Jean-Pierre Petit pouvait vous intéresser en tant qu'astrophysicien car il critique les modèles académiques de cette discipline. Oui, mais il était contacté par les... comment ils s'appellent les autres? Les... voyons, la planète de comiques là, qui écrivent des lettres. En tout cas, bon, oui, mais vous savez, je suis pas très versé dans l'astrophysique. Voyons, ça veut pas que je m'en souvienne. Mais l'affaire, c'est possiblement qu'il y a un mandat, lui, par rapport à, au collectif de scientifiques. Puis je fais pas partie de ça. Je sens pas une... bon, c'est parce que dans le fond, c'est pas une fois là que c'est un physicien qui s'adonne à des questionnements liés à ça. Donc, bon, Humo, est-ce que Humo, l'affaire, pourquoi j'ai un problème avec Humo? J'ai pas vraiment de problème avec ça. L'affaire, c'est que c'est la forme, les formes que ça prend. J'arrive pas à croire que s'il y a réellement un mandat à ce niveau-là, que ça va prendre des formes qui vont faire en sorte qu'au niveau social, la crédibilité est si difficile. Dans le sens que ça fait exprès pour être bizarre, là. Ça fait exprès pour être farfelu. Ça prend des... C'est pas assez frappant encore. Les humides, ou peu importe, là, comment on appelle ça, il faudrait qu'ils amènent quelque chose de fracassant. Mais là, est-ce que c'est lié à une histoire de quarantaine? Puis là, il y a des lois qu'il ne faut pas enfreindre, puis tout. Pour moi, là, je vais être bien franc, là, Humo, là, c'est encore une patente. Là. C'est la forme, elle vibre dans le sens que... Là, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais moi, mes yeux, c'est peut-être vrai que c'est des extraterrestres. Le problème, c'est que ça reste de la manipulation. Ça a la vibration de la manipulation, ça a la vibration de j'aime pas ça. J'aime pas la vibration en général de ces correspondances-là. Tu sais, il y aurait moyen d'être plus... clair, d'être plus honnête, d'être plus ergonomique au niveau de leur façon de communiquer l'information, qui est une façon qui serait beaucoup plus frappante. Il y aurait besoin de conseillers en communication, les humites, là. Salut, comment ça va? Nous sommes tous dans la merde, dans un monde de merde rempli de merde. Et oui, les humites, un dossier intéressant. Oui, c'est intéressant, mais le problème, c'est que ça a une vibration de merde, comme dit précédemment, dans le sens que il y a des affaires aussi, c'est pas logique leur façon de communiquer, c'est pas assez frappant, c'est trop, ils se retiennent. Si c'est pas le temps, ben aussi bien de se faire, dans le sens que, bon, ben s'il y a de quoi à dire d'important, puis tout, ben que ce soit clair, puis que ça aboutisse à réellement des trouvailles que même les gouvernements peuvent pas récupérer, puis après recamoufler ça, puis... Je veux dire, s'ils savent comment, d'une façon très facile, là, créer des petits moteurs à énergie libre, en guillemets, je donne ça comme exemple, là, même si ça n'a pas rapport, là, que vraiment que c'est simple, puis bon, ben n'importe qui devrait être capable par sa petite entreprise d'en fabriquer, puis ça inonderait le monde, puis les États pourraient rien faire. Il y aurait trop de gens. C'est ça, là. Je veux dire, il y a de la. Ça, même si c'est vraiment des extraterrestres, ils fonctionnent comment? Ils fonctionnent par manipulation. Ils fonctionnent en instrumentalisant des gens, en se cachant, en agissant d'une façon détournée, puis j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est une vibration de marde.